Comment se transforment les corps? Il semble n'y avoir rien de plus solide, rien de plus définitif, on l'a dit déjà, que la forme d'un corps. Un corps, c'est sa forme, c'est la manière dont il se définit, dont il se pose dans l'espace. Et pourtant, les corps sont d'abord ceux qui se transforment, ceux qui changent de forme. Ils changent de forme à travers leur environnement naturel, qui les dégrade, comme dans l'érosion, à travers le passage du temps, comme dans le vieillissement, à travers l'évolution des corps, comme dans le vivant, dans la transformation des espèces qu'on appelait au 19e siècle le transformisme. Comment comprendre qu'on soit passé de tel ou tel organisme vivant primaire à l'être humain par toutes sortes de transformations des corps? Comment comprendre ce passage d'une espèce à l'autre? Comment comprendre cette importance de la forme dans le corps? Et au-delà de ces transformations naturelles, il y a bien sûr aussi les transformations historiques, culturelles, techniques et même politiques des corps. Il n'y a pas de corps humains qui ne fassent l'objet aussi d'une transformation de ce genre. Les corps sont toujours éduqués, formés par la société et par l'histoire. Les corps sont historiques de part en part, techniques de part en part. Également, il y a toujours eu des techniques du corps, comme les appelait l'anthropologue Marcel Mauss, des manières de se mouvoir, des manières de travailler, des manières de s'habiller, des manières du corps formées historiquement et que nous reconnaissons d'un coup d'œil, mais dont nous oublions qu'elles constituent même nos corps. Aujourd'hui, les transformations du corps semblent atteindre des limites extrêmes, des limites par les pouvoirs techniques qui métamorphosent nos corps, qui réparent parfois, et on l'espère, des handicaps majeurs, qui, avec des prothèses matérielles ou même informatiques, vont pouvoir pallier des lacunes des corps qui les font souffrir, qui vont aussi pouvoir probablement détruire les corps de manière insidieuse, non pas seulement par les tortures anciennes ou les destructions majeures, mais par une pollution souterraine, par une transformation chimique de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, de ce que nous vivons d'une manière générale. Les transformations du corps doivent être prises au sérieux comme les modalités même de notre action, de notre vie, de notre histoire et de notre politique. Toute la politique du vivant aujourd'hui doit mesurer l'enjeu des transformations du corps, normer les actions techniques sur le corps sans les refuser a priori, comme s'il y avait un corps naturel qu'il fallait préserver à tout prix parce que les transformations du corps peuvent servir à leur enlever des souffrances, à réparer des maux, mais jamais à éviter la mort, mais d'un autre côté, justement, éviter les excès, éviter aussi les destructions insidieuses des corps, comme si nos corps n'étaient pas transformés à notre insu, partout dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Les transformations des corps doivent être notre objet premier, et au-delà des corps humains eux-mêmes qui sont menacés et en même temps soutenus par ces transformations mutuelles, regardons autour de nous les transformations des autres corps, les transformations des corps qui nous entourent. Apprenons une écologie des corps, une écologie du monde concret, dans leurs apparences d'abord, la beauté des corps qui nous soutient, mais aussi dans leur constitution profonde, car les corps ne cessent de se transformer, mais la transformation des corps est l'objet de l'éthique, de l'histoire et de la politique aujourd'hui.